MC aux 3000 bandanas. Celui qui reste signe, même sous marijuana. À la fois l'Abbé Pierre et Tony Montana. C'est moi le MC que personne n'arrêtera. Si je m'en bats le mic, c'est pour la guérilla. Je représente les b-boys, les soldats du Peura. Ça y est, c'est fait, on est pris au sérieux. Le hip-hop unique, imagine un peu l'enjeu. Ils savent qu'on est là, qu'on s'introduit en politique. Ils savent qu'on est là, là, c'est systématique. On investit les lieux, les soirées thématiques. Le choix du responsable, c'est l'attitude logique. C'est vrai mon frère, qu'il en a fallu du temps. Beaucoup de nos pères, aveuglés par l'argent. Faisaient la demeure et se disaient stercant. Mais rappelez-les, moi je sais depuis 10 ans. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Le hip-hop c'est structure, ça signifie l'ouverture. Le hip-hop à culture, pour présent pour le futur. Ça y est, enfin, notre musique est reconnue. Mais je te dis, gamin, le combat continue. Le rap pour moi, c'est pas le fric ou les femmes nues. Le rap pour moi, c'est la souffrance de la rue. Nous sommes notre époque, avec son langage cru. Pour toutes les nations, c'est un hymne pour les exclus. T'imagines même pas, ceci n'est qu'à l'aperçu. Percer tes pensées, sans percer messages reçus. La pensée unique, on n'en veut pas, on crache dessus. Donne-moi un putain de mic, et tu seras pas déçu. Pick up un bon bâtard, et à la Zulu Nation. J'en appelle le mouvement pour l'effet Cajun. Merci ce qu'elle fusionne, c'est double carte en connection. Si la vie est un film, alors on tourne la chaîne. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. T'as pas une tête là-bas, du message qu'on véhicule. On va toujours de l'avant dans l'optique de prendre du recul. Ma voix, un stylo, c'est là on se vécule. T'avances ou tu recules, comment veux-tu que l'on calcule. Malgré nos paradoxes et nos ambiances sinistres, les gens nous écoutent plus que leur putain de ministre. Mes années qui passent, on fait nous des responsables. Je vais finir sous Sky ou en sonnerie portable. Je vais pas devenir une star ou chanteur de minette minable. Quand j'allume la télé, je les trouve tous insupportables. Ils flippent tous dans leur tête, ils savent qu'on est là, t'inquiète. Ils flippent tous dans leur tête, mais va falloir qu'ils nous respectent. Leur façon de faire est bien trop souvent suspecte. Au sommet de sa gloire, le hip-hop connaît sa quête. La ruée vers l'or, c'est pas là qu'est notre conquête. C'est 2008, soyez prêts pour la tempête. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Hip-hop warriors. Hip-hop warriors. Hip-hop warriors. Hip-hop warriors. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Hip-hop warriors, c'est une musique de combat. Hip-hop warriors, c'est l'affaire qu'on lâchera pas. Hip-hop warriors, c'est le son qui décimera tous les 300 têtes qui ont souillé le pleura. Sur la place, qu'est-ce qui se passe? Domaine du S, ou est-ce qu'on est sur le trafic? Ou est-ce qu'on est sur le trafic?